Chapitre 7. Saniel était encore au travail quand Phyllis entra. « Tu n'as pas fini, pauvre chère ? » demanda-t-elle. « Le temps de soigner par correspondance une maladie pour laquelle l'examen attentif de 10 médecins ne suffirait peut-être pas, et je suis à toi. » En 3 lignes, l'affaire fut faite. Il quitta son bureau. « Mais voilà, que veux-tu que je fasse ? Aide-moi à sortir ce qu'il y a dans mes poches. » Elle s'était déjà débarrassée d'une bouteille enveloppée dans une feuille de papier qu'elle avait déposée sur le bureau. « Comme tu es chargée, » dit-il. « Juste ce qu'il faut. » Elle avait des paquets sous les bras et les poches de sa redingote ainsi que de sa robe paraissaient remplies. Ce fut un travail de les vider. « Ne serre pas trop fort, » disait-elle à chaque paquet qu'il lui prenait. À la fin, les poches furent vides. « Où dînons-nous ? » demanda-t-elle. « Ici, puisque la salle à manger est transformée en laboratoire. »« Alors commençons par faire du feu. J'ai eu les pieds mouillés en pataugeant sur la route de la station. » « Je ne sais pas s'il y a du bois. Allons voir. » Elle prit la bougie et ils passèrent dans la cuisine, qui de même que la salle à manger était un laboratoire. C'était une étable où Saniel élevait, dans des cages, des cochons d'Inde et des lapins pour ses expériences et où Joseph entassait pêle-mêle tout ce qui le gênait, sans avoir à prendre souci du fourneau ou de la grillade qui n'avait jamais été allumée. Mais ils eurent beau fureter, leurs recherches furent vaines. Il y avait de tout dans cette cuisine, excepté du bois à brûler. De vieux balais, des brosses à cirage, des choux pour les lapins, des carottes pour les cochons d'Inde, des amas de journaux, des caisses et des boîtes. « Tu tiens ces boîtes ? » demanda-t-elle en caressant un petit cochon qu'elle avait pris dans ses bras. « Nullement. Elles ont servi à emballer de la parfumerie et des spécialités pharmaceutiques. Elles sont maintenant inutiles. Eh bien, on peut très joliment se chauffer avec ces planches. » Cassées, elles feront un beau feu clair et flambant. Un vieux couperet rouillé se trouvait sur le fourneau. Saniel le prit et rapidement il fendit assez de caisses pour avoir une bonne provision de bois. « Ce que c'est que d'être auvergnat, » dit-elle en riant, « c'est à croire qu'en naissant, vous recevez tous le génie du charbonnage. » « Alors, tu te moques de moi ? Non, mais tu coupes ton bois gravement, lugubrement, comme si tu dépeçais un malade. » Et je voudrais te faire rire un peu en riant moi-même de toi, de moi, de n'importe qui, pourvu que tu te dérides. » Ils revinrent dans le cabinet, Saniel portant la provision de bois. « Maintenant mettons la table, » dit-elle avec entrain. Un petit guéridon pliant était placé devant la fenêtre et Saniel s'en servait pour déjeuner, bien souvent, avec l'assiette assortie que Joseph allait lui chercher chez le charcutier ou avec la portion que fournissait le marchand de vin qui, quelques instants auparavant, était venu lui faire une scène. Elle le prit et l'apporta devant la cheminée où elle l'ouvrit. « Où est le linge ? » demanda-t-elle. « C'est que je ne suis pas riche en linge. Cependant, j'ai dans cette armoire des serviettes que j'étale sur la poitrine et les épaules des gens que j'ausculte. Voyons s'il y en a de propres. » Justement, il en restait 4, c'est-à-dire une de plus qu'il ne fallait. « As-tu des assiettes, des couteaux, des fourchettes, des verres ?»« Oui, dans une armoire de la salle à manger. »« Allons les chercher. » Cette salle à manger, où l'on n'avait jamais mangé, était la pièce la plus curieusement meublée de l'appartement. Point de table, point de chaise, point de buffet. Mais le long de la muraille, des planches en bois blanc formant étagères, et sur ces planches, des matras, des ballons, des flacons à effilure horizontale ou verticale, des tubes de culture, des filtres, une étuve à gaz, un microscope, des tranches de pain, des morceaux de pommes de terre, ça et là des bocaux, des fioles et aussi quelques livres et enfin le matériel d'un petit laboratoire de recherche bactériologique. Voilà ce qu'était en effet cette salle où Saniel travaillait plus souvent et plus longuement que dans son cabinet de consultation. C'était dans un placard que se trouvaient les 5 ou 6 assiettes, les 3 couteaux, les verres qui composaient toute la vaisselle et la verrerie de Saniel. « Tu es sûr qu'il n'y a pas de microbes dans les assiettes ?» demanda Phyllis en prenant ce qu'il fallait pour servir la table. « J'espère que non. » Enfin, en les essuyant bien, le couvert fut promptement mis par Phyllis, qui allait, venait, tournait autour de la table avec une légèreté gracieuse que Saniel admirait. « Alors, toi, tu ne fais rien ? » dit-elle. « Je te regarde et je réfléchis. » Et le résultat de ces réflexions, peut-on le demander ? c'est qu'il y a en toi un fond de belle humeur et de gaieté, une exubérance de vie à égayer un condamné à mort. Et que serions-nous devenus, je te prie, si j'avais été une mélancolique et une découragée quand nous avons perdu mon pauvre papa? Il était la joie même, chantait toute la journée, s'éveillait une chanson sur les lèvres et tout en travaillant, riait, plaisantait, sans jamais une minute de mauvaise humeur. C'est par lui et près de lui que j'ai été élevée et je lui ressemble. Quand, en quelques jours, il nous a été enlevé, tu peux t'imaginer comment, tombant de cette vie heureuse dans la détresse et le chagrin, nous avons été anéantis. Maman, tu le sais, est une mélancolique et une inquiète, une timide, disposée à voir tout en noir. Mon frère Florentin est comme elle. Ce fut un désespoir morne. Maman répétait du matin au soir que nous n'avions qu'à mourir de faim. Mon frère voulait s'engager. Je ne m'abandonnais point, et si je ne pus pas rire et chanter, je me remuais assez, cependant, pour secouer l'engourdissement de la désespérance. Je fis obtenir une place à Florentin, je trouvai du travail pour maman, et j'en trouvai pour moi aussi. Le courage revint à tout le monde, et peu à peu avec lui, le calme de l'esprit. Elle le regarda avec un sourire qui disait « Veux-tu me laisser faire pour toi ce que j'ai fait pour eux ?» Mais ces paroles précises, elle ne les prononça point, au contraire. Elle chercha tout de suite à effacer leur impression, si, comme elle le croyait, il les avait devinées. « Va donc chercher de l'eau, » dit-elle. « Pendant ce temps, je vais allumer le feu. Maintenant, c'est le moment. » Quand il revint, apportant une carafe pleine, le feu flambait en jetant des pétillements d'or qui illuminaient le cabinet. Assise devant le bureau, Phyllis écrivait. « Que fais-tu donc là ? » demanda-t-il avec surprise. « J'écris notre menu, car tu penses bien que nous n'allons pas nous mettre comme ça, tout bourgeoisement à table. Le voilà, qu'en penses-tu » Elle lut tout haut. « Sardines de Nantes, cuisses de dinde rôties, terrines de pâté de foie gras aux truffes du Périgord. Mais c'est un festin, ton dîner. Croyais-tu que j'allais t'offrir une portion de fricandeau au jus ?» Elle continua. Fromage de brie, choux à la crème vanillée, pommes de Normandie, vin. Ah voilà, quel vin! Je ne voudrais pas te tromper. Mettons vin du marchand de vin du coin. Et maintenant à table. Comme il allait s'asseoir, elle l'arrêta. Tu ne me donnes pas le bras pour me conduire à ma place? Si nous ne faisons pas les choses sérieusement, méthodiquement, nous n'y croirons pas. Et les truffes du Périgord se changeront peut-être en petits morceaux noirs de n'importe quoi. » Quand ils furent assis, en face l'un de l'autre, la serviette dépliée, elle continua sa plaisanterie. « Allâtes-vous lundi à la représentation de Don Juan, mon cher docteur ?» Et Saniel, qui malgré tout avait gardé la mine sombre, se mit à rire franchement. « Allons donc, » s'écria-t-elle en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Plus de préoccupations, n'est-ce pas? Plus de soucis. » Tes yeux dans les miens, cher Victor, et ne pensons qu'à l'heure présente, à la joie d'être ensemble, à notre amour. Est-ce dit ? Elle lui tendit la main par-dessus la table. Il la prit et la serra. C'est dit. Le dîner continua gaiement, Saniel répondant au sourire et à la gaieté de Phyllis qui conduisait l'entretien en ne le laissant pas languir. Elle le servait, lui versait à boire, et c'était des éclats de voix, des rires comme ce cabinet n'en avait jamais entendu. De temps en temps, elle quittait sa chaise et jetait une poignée de bois au feu qui, à moitié éteint, reprenait ses pétillements. Cependant, elle remarqua que peu à peu, la physionomie de Saniel, un moment détendue, s'assombrissait et reprenait l'expression de préoccupation et d'amertume qu'elle avait eu tant de peine à chasser. Elle voulut faire un nouvel effort. « Est-ce que cette charmante dînette ne te donne pas l'idée de recommencer bientôt ? » demanda-t-elle. « La recommencer ? Comment ? Où ? Mais si j'ai pu venir ce soir sans que maman s'en inquiète, je trouverai bien un moyen, un prétexte, pour recommencer la semaine prochaine. » Il secoua la tête. « Tu ne seras pas libre la semaine prochaine ? » demanda-t-elle, inquiète. « Où serai-je la semaine prochaine, demain, dans quelques jours ?»« Tu me fais peur. Explique-toi, je t'en prie. Oh, Victor, aie pitié de moi, ne me laisse pas dans l'angoisse. » « Tu as raison, je dois tout te dire et ne pas laisser ta tendresse chercher des explications à ma préoccupation qui ne peuvent que te tourmenter. Si tu as des soucis, ne m'estimes-tu pas assez pour les partager avec moi? Tu sais bien que je suis à toi, tout à toi, aujourd'hui, demain, à jamais. » Sans lui laisser ignorer les difficultés de sa situation, il n'était jamais cependant entré dans des détails précis aimant mieux parler de ses espérances que de sa misère présente. Le récit qu'il avait déjà fait à Glady et à Caffier, il le recommença en ajoutant ce qui venait de se passer avec le concierge, le marchand de vin, le charbonnier et Joseph. Elle écoutait, anéantie. « Il a emporté la redingote ? » murmura-t-elle. « Il n'est venu que pour ça. Et demain ? Ah, demain, demain. Avec tant de travail, comment as-tu pu en arriver là ? Comme toi, j'ai cru à la vertu du travail, et voilà où j'en suis. Parce que je sentais en moi une volonté que rien n'affaiblirait, une force que rien ne lasserait, un courage que rien ne rebuterait. Je me suis imaginé que j'étais armée pour la lutte, de façon à ne pouvoir pas être vaincue. Et je le sais, autant par la faute des circonstances que par la mienne. Et de quoi es-tu coupable, pauvre cher ? D'ignorance de la vie, de maladresse, de présomption, d'aveuglement. Si j'avais été moins naïf, est-ce que je me serais laissé prendre aux propositions de Jardine ? Est-ce que j'aurais accepté ce mobilier, cet appartement ? Il me disait que les engagements qu'il me faisait signer étaient de simples formalités, qu'en réalité je le paierais quand je pourrais, qu'il se contenterait d'un honnête intérêt. Cela m'a paru vraisemblable, je n'ai pas cherché au-delà, et j'ai accepté, heureux, glorieux de m'installer, certain d'avoir les reins assez solides pour porter ce fardeau. C'est une force d'avoir confiance en soi, mais c'est aussi une faiblesse. Parce que tu m'aimes, tu ne me connais pas, tu ne me vois pas. En réalité, je suis peu sociable, et je manque absolument de souplesse, de finesse, de politesse, aussi bien dans le caractère que dans les manières. Comment avec cela veux-tu qu'on fasse de la clientèle et qu'on réussisse si un coup d'éclat ne vous impose pas ? Que le coup d'éclat se produise, j'y compte bien, mais son heure n'a pas encore sonné. Parce que je manque de souplesse, je n'ai pas su gagner la sympathie ou l'intérêt de mes maîtres. Ils n'ont vu que ma raideur, et comme je n'allais pas à eux, plus encore par timidité que par fierté, ils ne sont pas venus à moi. Ce qui est bien naturel, j'en conviens. De plus, comme je n'ai pas incliné mes idées devant l'autorité de quelques-uns, ceux-là m'ont prise en grippe, ce qui est plus naturel encore. Parce que je manque de politesse et suis resté pour beaucoup de choses, l'auvergnat lourd et gauche que la nature m'a fait, les gens du monde m'ont dédaigné, s'en tenant à l'écorce qu'ils voyaient et qui leur déplaisait. Plus avisé, plus malin, plus expérimenté, je me serais au moins appuyé sur la camaraderie, mais je n'en ai pas pris souci. À quoi bon ? Je n'en avais pas besoin. Ma force me suffisait. Je trouvais plus crâne de me faire craindre que de me faire aimer. Ainsi bâti, je n'avais que deux parties à prendre, ou rester dans ma pauvre chambre de l'hôtel du Sénat, en vivant de leçons et de besognes de librairie, jusqu'au jour du concours pour le bureau central et l'agrégation, ou bien m'établir dans un quartier excentrique, à Belleville, Montrouge ou ailleurs, et là faire de la clientèle à la force du jarret, avec des gens qui ne me demanderaient ni politesse ni belle manière. Comme ces parties étaient raisonnables, je n'ai pris ni l'un ni l'autre. Belleville parce que je voulais pas ne plus travailler que des jambes, comme un de mes camarades que j'ai vu fonctionner à la Villette. Votre langue, bon. Votre bras, bon. Et tandis qu'il est censé tâter le pouls à son malade, de l'autre main il écrit son ordonnance. Vomitif, purgatif. C'est 40 sous. Et il s'en va sans jamais perdre 5 minutes pour son diagnostic. Il n'a pas le temps. L'hôtel du Sénat parce que j'en avais assez et qu'avec ses propositions Jardine me tentait. Voilà où il m'a amené. Et maintenant ? Chapitre 8. À ce moment, la bougie qui éclairait la table s'éteignit dans le flambeau, sans que sa lueur vacillante depuis quelques instants déjà les eût avertis qu'elle allait mourir. Phyllis se leva. « Où y a-t-il des bougies ? » demanda-t-elle. « Il n'y en a plus, celle-ci était la dernière. »« Eh bien, il n'y a qu'à faire flamber le feu. » Elle jeta une petite poignée de bois dans l'âtre, puis au lieu de reprendre sa chaise, elle alla chercher un coussin sur le divan, et le déposant devant la cheminée, elle s'assit dessus en s'accoudant sur le genou de sa nièce. « Et maintenant ? » répéta-t-elle, les yeux levés sur lui. « Maintenant, Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à me sauver en Auvergne et me faire médecin de campagne. « Mon Dieu, est-ce possible ? » murmura-t-elle d'un ton qui surprit sa nièle, car s'il y avait de la douleur dans ce cri, il y avait aussi un autre sentiment qu'il ne comprenait pas. En quittant l'école, je pouvais continuer à demeurer à l'hôtel du Sénat et, en donnant des leçons pour vivre, préparer mes concours. Maintenant, après avoir occupé une position jusqu'à un certain point en vue, puis-je reprendre cette existence d'étudiant besogneux ? Mes créanciers qui se sont déjà abattus sur moi ici me harcèleront et mes concurrents au concours exploiteront ma misère qui n'a pas d'autre cause que mes vices. On trouvera que je déshonorerai la faculté et je serai repoussé. Ni médecin des hôpitaux, ni agrégé, j'en serai réduit à n'être que médecin quartier. À quoi bon ? L'épreuve a été faite ici, tu vois comme elle a réussi. Alors tu partirais ? Non sans déchirement, sans désespoir, puisque ce serait notre séparation et le renoncement aux espoirs sur lesquels je vis depuis 10 ans, l'abandon de mes travaux, la mort. Tu vois maintenant pourquoi, malgré ta gaieté, je n'ai pas eu la force de te cacher ma préoccupation. Plus tu étais charmante, plus je sentais combien tu m'es chère, plus j'étais désespérée de cette séparation. Pourquoi nous séparer ? Que veux-tu ? Elle se retourna vers lui. Partir avec toi ? Tu me rendras ce témoignage que jusqu'à cette heure, jamais je ne t'ai parlé de mariage et n'ai laissé paraître la pensée que tu pouvais faire de moi ta femme un jour. Dans la position où tu te trouvais, dans la lutte que tu soutenais, une femme eût été un fardeau qui t'eût paralysé. Alors surtout que cette femme n'était qu'une pauvre misérable créature comme moi, qui n'apportait en dot que sa misère et celle de sa famille. Mais les conditions ne sont plus les mêmes. Te voilà, toi, aussi misérable et de plus désespéré. Dans ton pays, où tu n'as plus que des parents éloignés qui ne te sont rien, puisqu'ils n'ont ni ton éducation, ni tes idées, ni tes besoins, ni tes habitudes, que vas-tu devenir tout seul avec tes déceptions et tes regrets ? Si tu m'acceptes, je vais avec toi. À deux, et quand on s'aime, on n'est nulle part malheureux. Quand tu rentreras fatigué, tu me trouveras souriante à ton retour. Quand tu resteras à la maison, tu m'associeras à tes pensées, à ton travail, et je tâcherai de te comprendre. Je n'ai pas peur de la pauvreté, tu sais, et je n'ai pas peur davantage de la solitude. Partout où nous serons ensemble, je serai bien. Tout ce que je te demande, c'est d'emmener ma mère avec nous, car tu sens bien que je ne peux pas l'abandonner. En la soignant, tu as appris à la connaître assez pour savoir qu'elle n'est ni gênante ni difficile. Quant à Florentin, il restera à Paris où il trouvera à s'employer. Son voyage en Amérique l'a assagi et ses ambitions sont maintenant faciles à contenter. Gagner petitement sa vie est tout ce qu'il demande. Sans doute, nous te serons une charge, mais pas aussi lourde qu'au premier abord on pourrait le supposer. Une femme, quand elle le veut, met l'ordre et l'économie dans une maison. Et je te promets que je serai cette femme. Et puis je travaillerai. J'ai la certitude que mon papetier me donnera des menus aussi bien quand je serai en Auvergne qu'il m'en donne à Paris. Je pourrai aussi, sans doute, me procurer d'autres travaux. C'est 100 francs par mois, peut-être 150, peut-être même 200. En attendant que tu te sois créé une clientèle, nous vivrons avec cet argent. En Auvergne, la vie ne doit pas être chère. Elle lui avait pris les deux mains. Elle suivait anxieusement sur son visage, qu'éclairait la flamme capricieuse de la cheminée, l'effet de ses paroles. C'était leur vie à tous deux qui allait se décider, et l'émotion qui lui serrait le cœur faisait trembler sa voix. Qu'allait-il répondre ? Elle le voyait, le visage bouleversé, sans pouvoir lire plus loin. Comme elle se taisait, il dégagea ses deux mains, et lui prenant la tête, il la regarda en silence pendant quelques instants. « Comme tu m'aimes, » dit-il. « Donne-moi le moyen de te le prouver, autrement qu'en parole. Ce serait une lâcheté de t'associer à ma misère. Ce serait m'estimer assez pour être assurée que j'en serais heureuse. Et moi ? L'amour dans ton cœur ne l'emportera-t-il pas sur la fierté ? Ne sens-tu pas que depuis que je t'aime, mon amour a pris toute ma vie et que rien au monde que ce qui est lui, que ce qui est toi, n'existe dans le présent comme dans l'avenir ? Parce que je te vois quelques heures de temps en temps à Paris, je suis heureuse. Quelles que soient les difficultés qui nous attendent, je serai plus heureuse encore en Auvergne, par cela seul que nous nous verrons toujours. » Il garda pendant assez longtemps un morne silence. Et là-bas, pourrais-tu m'aimer? Murmura-t-il. Évidemment, c'était plutôt à lui qu'à elle que s'adressait cette question qui résumait ses réflexions. Oh, cher Victor, s'écria-t-elle, pourquoi douter de moi? L'ai-je mérité? Le passé, le présent ne répondent-ils pas de l'avenir? Il secoua la tête. L'homme que tu as aimé, que tu aimes, ne s'est jamais montré à toi ce qu'il est réellement. Malgré les difficultés et les tristesses de sa vie, il a pu sourire à ton sourire, parce que, si cruelle que fût cette vie, il était soutenu par l'espoir et la confiance. En Auvergne, il n'y aura plus ni espoir ni confiance, mais la rage d'une existence brisée et l'accablement de l'impuissance. Quel homme serais-je? Pourrais-tu l'aimer, celui-là? 1000 fois plus encore, puisqu'il serait malheureux et que j'aurais à le soutenir. En aurais-tu la force? À la longue, la lassitude te prendrait, car le poids serait trop lourd. Si grand que fût ton dévouement, si profonde que fût ta tendresse. Vois ma situation, vois mes espérances, et descendant dans l'avenir, vois mon écrasement. Tu me sais ambitieux, mais vaguement, n'est-ce pas? Sans avoir jamais mesuré la portée de cette ambition et des espoirs, des rêves, si tu veux, sur lesquels elle repose. Comprends que ces rêves sont à la veille de se réaliser. Encore 2 mois, en décembre ou en janvier, je passe le concours pour le bureau central qui me fait médecin des hôpitaux, et à la même époque celui pour l'agrégation qui m'ouvre la faculté de médecine. Sans illusion orgueilleuse, je me crois en état de réussir, ce que les gens de sport appellent en condition. Donc, quand je n'ai plus qu'une attente de quelques jours, me voilà abattu à jamais. Pourquoi à jamais? On vient de son village à Paris pour faire sa trouée. On n'en revient pas quand la mauvaise chance ou l'impuissance vous y ont renvoyé. D'ailleurs, c'est seulement tous les 4 ans que s'ouvre un concours pour l'agrégation. Dans 4 ans, quelle serait ma condition morale ou intellectuelle? Comment aurais-je supporté cet exil de 4 ans? Te représentes-tu ce que peuvent produire 4 années d'isolement au fond des montagnes? Mais ce n'est pas tout. À côté de ce but ostensible que je poursuis depuis que j'ai débarqué de mon village, j'ai mes travaux en train qui exigent absolument Paris. Sans que je t'aie jamais assommé de médecine, tu sais, n'est-ce pas, qu'elle est à la veille de subir une révolution qui va la transformer. Jusqu'à présent, il a été enseigné officiellement, en pathologie, que l'organisme humain portait en soi le germe d'un grand nombre de maladies infectieuses qui s'y développaient spontanément dans certaines conditions. Ainsi, la tuberculose est le résultat de fatigue, de privation, de misère physiologique. Eh bien, depuis un certain temps, on admet, c'est-à-dire des révolutionnaires admettent, une origine parasitaire à ces maladies. Et il y a en France, en Allemagne, en Europe, toute une armée qui cherche ces parasites. Je suis un soldat de cette armée, et c'est à ces recherches que me sert ce laboratoire installé dans la salle à manger. C'est aux parasites de la tuberculose et du cancer que je me suis attaché. Et pour ce dernier, depuis 7 ans déjà, ce qui, lorsque j'étais interne, m'avait fait appeler par mes camarades le topic du cancer. Pour la tuberculose, je suis arrivé à découvrir son parasite, mais non encore à le débarrasser de toutes ses impuretés par des procédés de culture. J'en suis là, c'est-à-dire que je brûle et que demain peut-être, dans quelques jours, je tiens une découverte qui est une révolution et donne la gloire à celui qui l'a faite. De même pour le cancer, j'ai trouvé son micro-organisme, mais tout n'est pas dit. Et voilà ce qu'il me faut abandonner en quittant Paris. Pourquoi abandonner? Ne peux-tu pas continuer tes recherches en Auvergne? C'est impossible, pour toutes sortes de raisons, trop longues à expliquer, mais dont une seule suffira. Les cultures de ces parasites ne peuvent se faire que dans certaines températures, rigoureusement maintenues au degré voulu. Et ces températures ne peuvent être obtenues que dans des étuves comme celle de mon laboratoire, alimentées par le gaz dont l'entrée est réglée automatiquement par le plus ou moins de chaleur de l'eau. Comment veux-tu que cette étuve fonctionne dans un pays où il n'y a pas de gaz? Non, non, si je quitte Paris, tout est fini, position aussi bien que travail. Je deviens médecin de village et rien que médecin de village. Que les huissiers me mettent dehors demain, et tout ce que j'ai accumulé depuis 4 ans dans ce laboratoire, tous mes travaux en train, ce qui est achevé comme ce qui ne demande plus peut-être que quelques jours, que quelques heures, s'en va chez le brocanteur ou est jeté à la rue. De tant d'efforts, de tant de nuits passées, de tant de privations, de tant d'espérances, il ne reste qu'un souvenir pour moi. Et encore, s'il ne restait pas, peut-être serais-je moins exaspéré et accepterais-je d'un cœur moins ulcéré la vie à laquelle je ne me résignerai jamais. Tu sais bien que je suis un révolté, non un résigné. Elle se leva et lui prenant la main qu'elle serra fortement. Il faut rester à Paris, dit-elle. Pardonne-moi d'avoir insisté tout à l'heure pour te prouver que tu pouvais vivre dans ton village. C'était à moi que je pensais, plus qu'à toi, à notre amour, à notre mariage. C'était une pensée égoïste, une mauvaise pensée. Il faut chercher, il faut trouver un moyen, n'importe lequel, quoi qu'il puisse coûter, de ne pas renoncer à tes travaux. Il faut, mais comment? Crois-tu que je n'ai pas tout épuisé? Il raconta ses démarches auprès de Jardine, ses sollicitations, ses prières, et aussi sa demande de prêt à Gladys, et enfin sa visite à Cafier. Cafier? S'écria-t-elle. Comment l'idée t'est-elle venue de t'adresser à Cafier? Un peu parce que tu m'avais souvent parlé de lui. Mais je t'en ai parlé comme du plus dur et du plus méchant des hommes, capable de tout, si ce n'est de ce qui est bon et de ce qui est bien. Un peu aussi parce que je savais par un de mes clients qu'il prêtait à ceux qu'il pouvait exploiter. Et il t'a répondu qu'il ne trouverait sans doute personne pour consentir le prêt que je désirais. Cependant, il m'a promis de chercher, et il doit me rendre réponse demain soir. Il m'a promis aussi de me défendre contre Jardine. Tu t'es mise entre ses mains? Et que veux-tu? Dans ma position, je n'ai pas la liberté de m'adresser à qui je veux et m'inspire confiance par son honorabilité. Que j'aille chez un notaire, un banquier, ils ne m'écouteront pas, puisqu'au premier mot, je serai obligée de leur répondre que je n'ai ni gage ni garantie à offrir. C'est pour cela que les malheureux tombent sous la coupe des coquins. Au moins ceux-là les écoutent et leur accordent quelque chose, si peu que ce soit. Et que t'a-t-il accordé? Ses conseils. Et tu les as acceptés? C'est toujours du temps de gagner. Demain peut-être, on m'eût mis dans la rue. Cafier m'obtiendra quelque répit. Et de quel prix payeras-tu cette défense? Il n'y a que ceux qui ont quelque chose qui s'inquiètent du prix. Tu as ton nom, ton repos, ta dignité, ton honneur. Et une fois que tu seras aux mains de Cafier, qui peut savoir ce qu'il exigera de toi, ce qu'il te forcera à faire sans que tu puisses lui résister? Alors, tu veux que je quitte Paris? Non, certes, mais je veux que tu te tiennes en garde contre Cafier, que tu ne connais pas, et que je connais, moi, par tout ce que Florentin nous racontait pendant qu'il était chez lui. Si secret qu'il soit, un homme d'affaires ne peut pas se cacher de son clerc. Ce n'est pas seulement des coquineries que Cafier est coupable. C'est aussi de vrais crimes. Je t'assure qu'il a mérité 10 fois la mort. Pour gagner 100 francs, il est capable de tout. Il faut qu'il gagne, qu'il amasse, rien que pour le plaisir d'amasser, puisqu'il n'a ni enfant, ni parent, ni héritier. Eh bien, je te promets de me tenir sur mes gardes, comme tu me le conseilles. Mais si coquin que puisse être Cafier, je crois que je dois accepter le concours qu'il m'a offert. Qui sait ce qui peut se produire pendant le temps qu'il me fera gagner? Car je n'ai pas à te dire, n'est-ce pas, que je connais d'avance sa réponse pour le prêt que je lui ai demandé. Il n'aura trouvé personne. Je viendrai quand même demain soir pour connaître cette réponse. Chapitre 9. Bien que Saniel ne se fît pas d'illusions sur la réponse de Cafier, il alla le lendemain, à la même heure que la veille, sonner à la porte de l'homme d'affaires. Comme la veille, il eut à attendre assez longtemps avant que la porte s'ouvrit, et à la fin il entendit un pas traînant sur le carreau. « Qui est là ?» demanda la voix de Cafier. Aussitôt que Saniel eut répondu, le pêne fut tiré. « Comme je n'aime pas être dérangé le soir par des importuns, » dit Cafier, « je n'ouvre pas toujours. Mais j'ai pour mes clients un signal qui me permet de les reconnaître. Après avoir sonné, vous frappez du doigt trois coups également espacés contre le bois de la porte. » Pendant cette explication, Saniel était entré dans le cabinet de l'homme d'affaires. « Vous êtes-vous occupé de ma demande ? » dit-il après un moment d'attente, car Cafier paraissait décidé à ne pas engager l'entretien le premier. « Oui, mon cher monsieur, j'ai couru toute la matinée pour vous. Je ne néglige jamais mes clients. Leur affaire est la mienne. » Il fit une pause. « Alors ?» demanda Saniel. Cafier donna à sa physionomie une expression désolée. « Que vous avez-je dit, mon cher monsieur ? Rappelez-vous-le, je vous prie. Une expérience comme la mienne ne parle pas à la légère. Faites-moi l'honneur de le croire. Eh bien, ce que j'avais prévu s'est réalisé. Partout la même réponse. L'aléa est trop grand. Personne n'en veut courir la chance. » « Même pour un gros intérêt ? Même pour un gros intérêt. Il y a tant de concurrence dans votre profession. Moi, je crois à votre avenir et je vous l'ai prouvé par ma proposition. Mais moi, je ne suis que l'intermédiaire et non le bailleur de fonds, malheureusement. » Cafier avait insisté sur le mot « ma proposition » et du regard, il l'avait encore souligné. Mais Saniel ne parut pas avoir compris. « Et l'assignation du tapissier » demanda-t-il. « Soyez tranquille de ce côté, j'ai agi aussi. Votre propriétaire, à qui il est dû un terme, va intervenir et il faudra que votre créancier le désintéresse avant d'aller plus loin. S'y résignera-t-il ? C'est à voir. Si oui, nous nous défendrons sur un autre terrain. Je ne dis pas victorieusement, mais enfin de façon à gagner du temps. » « Combien de temps ? » ?»« Ça, mon cher monsieur, je ne peux pas le savoir. La chose dépend de notre adversaire et de ses conseils. D'ailleurs, qu'entendez-vous par combien de temps ? L'éternité ? J'entends jusqu'au mois d'avril. » Alors c'est bien l'éternité. Croyez-vous donc être en mesure de vous libérer au mois d'avril ? Si vous avez cette espérance reposant sur des garanties, il faut le dire, mon cher monsieur. » Cette question fut posée d'un ton tout à fait bienveillant auquel Saniel se laissa prendre. « Je n'ai pas ces garanties, dit-il, mais par contre, il serait pour moi d'une importance capitale que l'affaire traîna jusque-là. Comme je vous l'ai expliqué, je suis à la veille de passer deux concours. Ils durent 3 mois. Et en mars, au plus tard en avril, je puis être médecin des hôpitaux et agrégé de la faculté. Si cela est, j'offrirai alors une surface au prêteur qui vous permettra sans doute de me trouver la somme nécessaire pour payer Jardine et les frais qui auront été faits, y compris vos honoraires. » À mesure qu'il parlait, Saniel comprenait qu'il avait tort de se livrer ainsi. Cependant, il alla jusqu'au bout. « Je serais indigne de votre confiance, mon cher monsieur, » répondit Cafier, « si je vous entretenais dans l'idée que nous pourrons gagner cette époque. Quoi qu'il m'en coûte, et il m'en coûte beaucoup, je vous assure, je dois vous dire que c'est impossible, radicalement impossible. Quelques jours, oui, peut-être quelques semaines, mais c'est tout. » « Eh bien, obtenez-moi ces quelques semaines, » dit Saniel en se levant, « ce sera toujours quelque chose. » « Et après ? » « D'ici là, nous verrons. » « Mon cher monsieur, ne partez pas. Vous ne sauriez croire combien vivement votre position me touche. Je ne pense qu'à vous. Quand j'ai vu que décidément je ne pouvais pas vous trouver la somme dont vous avez besoin, j'ai été faire une petite visite amicale à ma jeune cliente, celle dont je vous ai parlé. » « Qui a reçu une éducation supérieure dans un couvent à la mode ?»« Précisément. Et je lui ai demandé ce qu'elle penserait d'un jeune médecin plein d'avenir, futur professeur à la faculté, actuellement considéré déjà comme un savant de premier ordre, beau garçon, car vous êtes beau garçon, mon cher monsieur, ce n'est point de la flatterie de le constater, de bonne santé, paysan de naissance, qui se présenterait comme mari. Elle a paru flattée, je vous le déclare franchement. Mais tout de suite elle m'a dit « Et le petit ?» À quoi j'ai répondu que je vous savais trop grand, trop noble, trop généreux, pour n'avoir point cette indulgence des hommes supérieurs qui leur fait accepter avec sérénité une faute involontaire. Ai-je été trop loin ? Il n'attendit pas la réponse. Non, n'est-ce pas ? Justement, le petit était là, car la mère veille sur lui avec une sollicitude toute pleine de promesses pour l'avenir, et j'ai pu l'examiner à mon aise. Bien fragile, mon cher monsieur. Il tient de son père, le pauvre bébé, et je doute que malgré tout votre savoir de médecin, vous puissiez le faire vivre. Si par malheur sa mort arrive, comme ce n'est que trop à craindre, assurément, elle ne nuira pas à votre réputation. Vous donnez les soins, n'est-ce pas, non la vie. » À propos de soins, interrompit Saniel, qui ne voulait pas répondre, avez-vous fait ce que je vous ai conseillé ? Pas encore. Les pharmaciens de ce quartier sont des égorgeurs patentés. Mais j'irai ce soir chez un de mes clients, pharmacien aux Batignolles, qui me traitera en ami. Je vous reverrai alors. Quand vous voudrez, mon cher monsieur, quand vous aurez réfléchi. Maintenant, vous avez le mot de passe. » Avant de sortir de chez lui, Saniel avait laissé sa clé à son concierge pour que Phyllis ne l'attendît pas dans la rue si elle venait en son absence. Lorsqu'il rentra, le concierge lui dit que madame était montée depuis assez longtemps déjà, et à son coup de sonnette, ce fut elle qui vivement lui ouvrit la porte. « Eh bien » demanda-t-elle d'une voix frémissante avant même qu'il fût entré. « Ce que je te disais hier, il n'a trouvé personne. » Elle le serra dans une longue étreinte passionnée. « Et pour le tapissier, il a promis de gagner du temps. » Tout en parlant, ils étaient entrés dans le cabinet. Le feu brûlait dans la cheminée et ce n'étaient pas des morceaux de planches qui flambaient comme la veille, mais des bûches de charme. Sur la table éclairée par deux bougies se montrait un beau poulet rôti entouré de cresson et une bouteille de vin rouge faisait vis-à-vis à la carafe d'eau. Il la regarda surpris. « J'ai mis la table, » dit-elle. « Tu vois, je dîne avec toi. » Et se jetant dans ses bras, « connaissant Cafier mieux que toi, j'avais deviné sa réponse et je ne voulais pas que tu fusses seule en rentrant ici. J'ai encore trouvé un prétexte pour ne pas dîner avec maman. Mais ce poulet, il nous fallait bien un plat de résistance. Ce bois, ces bougies, ça, c'est la fin de mes économies. J'aurais été si heureuse qu'elles fussent moins misérables et puissent te servir à quelque chose d'utile. » Comme la veille, ils s'assirent devant le feu et tout de suite elle se mit à parler de choses et d'autres pour l'occuper et le distraire. Mais ce que leurs lèvres ne disaient point, leurs regards, en se rencontrant, l'exprimaient avec plus d'intensité que la parole. Cependant, jusqu'à la fin du dîner, ils purent l'un et l'autre ne rien dire de décisif. Ce fut lui qui, à un certain moment, trahit sa préoccupation. « Ton frère avait bien observé Cafier, » dit-il, comme s'il se parlait à lui-même. « N'est-ce pas ? C'est assurément le plus parfait coquin que j'ai, jusqu'à ce jour, rencontré. » « Il t'a proposé quelque infamie, je suis sûre. Il m'a proposé de me marier. J'en avais le pressentiment. Et c'est pour cela qu'il me refuse le prêt que je demande. J'ai eu la simplicité de lui expliquer franchement ma situation. En même temps, je lui ai dit quelle importance il y avait pour moi à gagner le mois d'avril, et il espère que sous le coup des poursuites, quand je verrai que je vais être mis dans la rue, j'accepterai l'une des deux femmes qu'il me propose. Le couteau sous la gorge, il faudra bien que je cède. C'est pour le tenir suspendu qu'il a promis de retarder les poursuites de Jardine et de les traîner en longueur. « Et ces femmes ? » demanda-t-elle sans oser le regarder en face. « Sois tranquille, tu n'as rien à craindre d'elles. L'une est une bouchère ivrogne, l'autre est une jeune fille qui a un enfant. Et ce sont là les femmes qu'il ose proposer à un homme comme toi ? Ces propositions ne sont pas aussi nues que je te les présente. Elles sont accommodées à une sauce qui, selon son sentiment, doit les faire passer. Si je ne guéris pas la bouchère de l'ivrognerie, je n'ai qu'à l'abandonner à son vice qui l'emportera dans un bref délai. Et comme le contrat sera réglé en vue de cette éventualité, je me trouverai l'héritier de ces 20 000 livres de rente. Pour la vierge à l'enfant, la combinaison est autre. Cet enfant a été doté par son vrai père de 200 000 francs, et celui qui le légitimera, en épousant la mère, aura la jouissance du revenu de ses 200 000 francs jusqu'à la majorité du petit. Si toutefois celui-ci parvient à sa majorité, car il est bien fragile, si fragile même que si sa mort arrivait, elle ne nuirait en rien à ma réputation de médecin. Tu vois quel monstre il est. Pendant qu'il m'expliquait ainsi ses combinaisons en m'offrant la mort des autres, je pensais à la sienne et me disais que si on le supprimait, il n'aurait vraiment que ce qu'il mérite. Ça c'est bien vrai. Pour moi, rien ne m'aurait été plus facile à un certain moment. Comme il a mal aux dents, il me montra sa mâchoire. Je n'avais qu'à l'étrangler. Nous étions seuls. Un misérable diabétique comme lui, qui, j'en suis sûr, n'a pas 6 mois à vivre, n'aurait pas résisté à une poigne comme celle-ci. Je retirais de son gilet ses clés, j'ouvrais sa caisse, j'y prenais les 30, 40, 60 000 francs que j'y ai vus entassés. Du diable si la justice n'aurait jamais rien découvert. Un médecin n'étrangle pas ses clients. Il les empoisonne, il les tue scientifiquement, non brutalement. Voilà le malheur, c'est que ces moyens d'arranger les choses ne sont à la portée que des gens qui n'ont pas de conscience et qu'ils n'existent pas pour nous. Je t'assure bien que ce n'est pas la conscience qui m'aurait retenu. La peur du remords, si je me sers d'un mauvais mot. Mais les gens intelligents n'ont pas de remords, ma chère enfant, attendu que chez eux le raisonnement précède le fait et ne le suit pas. Avant d'agir, ils pèsent le pour et le contre et savent quelles seront les conséquences de leurs actions pour les autres aussi bien que pour eux. Si cet examen préalable leur prouve que pour une raison quelconque ils peuvent agir, ils seront à jamais tranquilles, assurés de n'être pas exposés aux remords qui ne sont que les reproches de la conscience. Sans doute, ce que tu dis là est juste, et pourtant il m'est impossible de l'accepter. Si je n'ai pas commis de crime dans ma vie, j'ai fait cependant des sottises, même des fautes, et pour quelques-unes, ça a été délibérément, après cet examen préalable dont tu parles. J'aurais donc dû être parfaitement tranquille et à l'abri des reproches de ma conscience. Cependant, le lendemain matin, je m'éveillais malheureuse, tourmentée, bouleversée quelquefois, sans pouvoir étouffer la voix mystérieuse qui m'accusait. Et au nom de qui parlait-elle, cette voix plus vague encore que mystérieuse? Au nom de ma conscience, évidemment. Évidemment et de trop, et tu serais bien embarrassée de me démontrer cette évidence, attendu que rien n'est plus incertain et insaisissable que ce qu'on est convenu d'appeler la conscience, qui n'est en réalité qu'une affaire de milieu et d'éducation. Je ne comprends pas. Ta conscience te fait-elle un crime de m'aimer? Non, assurément. Tu vois donc que tu as une façon personnelle de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, qui n'est pas celle que suit notre pays, où il est admis, au point de vue religieux comme au point de vue social, qu'une jeune fille est coupable quand elle a un amant. Par conséquent, tu vois aussi que la conscience est un mauvais instrument de pesage, puisque chacun, pour la faire fonctionner, se sert de poids qu'il fabrique lui-même. Enfin, quoi qu'il en soit, tu as bien fait de ne pas étrangler Kafier. Que tu as condamné à mort toi-même, cependant. Par la main de la justice providentielle ou humaine, mais non par la tienne, pas plus que par celle de Florentin ou par la mienne, bien que nous sachions mieux que personne qu'il ne mérite aucune grâce. Tu vois que j'ai prévu tes objections, puisque je n'ai pas serré sa cravate. Heureusement. Est-ce bien heureusement qu'il faut dire ?